Les Jeux du Québec s'ouvrent vendredi à Alma et on a parlé avec Stéphanie Martin, la chef de mission de l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'objectif est de 25 médailles. Là, on va parler de hockey avec celui qui sera l'instructeur-chef de la formation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marc-André Gagnon. Savoir un peu à quoi s'attendre. Salut Marc-André. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Marc-André, si je me rappelle bien, 2015, ça avait été très moyen. 2013, dans la région, avec Samuel Girard et Samuel Hervé, ça avait été très bon. À quoi s'attendre? Est-ce que l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean a des chances, à tout le moins, de faire sensiblement la même chose qu'en 2013? Ben, je dirais que dans notre équipe, on n'a pas de Samuel Girard, malheureusement. Okay. Mais l'avantage qu'on a cette année avec notre formation, c'est que c'est la totalité de mon équipe. Fait que tous les joueurs se connaissent. On pratique ensemble depuis le début de la saison ensemble. On a joué nos 30 parties de la saison ensemble. Fait qu'on a quand même une cohésion. On a un esprit de corps qui s'est formé depuis le mois d'août. Fait que ça, je pense que c'est un point pour de notre côté. Comparativement à une autre délégation, qu'eux, c'est des joueurs de différentes équipes, de différents milieux qui vont jouer ensemble. Fait que, moi, je pense que de ça, notre esprit de corps, notre esprit d'équipe, notre cohésion va nous aider peut-être à remporter des matchs dans une compétition qui est assez courte aussi. Oui, c'est ça. Mais là, comment ça fonctionne, là? Est-ce que, c'est des équipes, comment les régions choisissent leur équipe et leur alignement? Dans le fond, nous, notre formation Bantam, dans notre ligue Bantam 3, c'est déjà les meilleurs joueurs de la région qui sont ensemble. Okay. Soit des joueurs du Lac, soit des joueurs du Saguenay. Même à ça, on a des joueurs qui proviennent de la Côte-Nord. Fait qu'on a des joueurs qui sont ensemble, on est toujours ensemble. Et de ça, on a greffé trois joueurs du Bantam Relève pour former notre équipe de 18 joueurs. OK. La sélection s'est faite par elle-même. On va dire, on a déjà les meilleurs joueurs qui jouent ensemble. On a greffé d'autres joueurs pour faire la formation finale. Le tournoi, comment que ça aligne? Est-ce que vous êtes souvent c'est comment le calendrier est fait? Combien dans quelle division vous êtes également? Ça en dit beaucoup là. Est-ce que l'équipe est-ce que vous êtes bien placé là? Ben, c'est dur à dire de ce point-là. Okay. Mais c'est un tournoi qui est de courte durée. On a fait ouais. Une poule de trois équipes. Il faut jouer deux parties. D'après les deux parties, il faut figurer dans le premier de notre poule pour pouvoir accéder au quart de finale. Puis des six poules, ils prennent les deux meilleurs deuxièmes. Okay. Il y a huit équipes qui vont passer au quart de finale. Fait que sur deux parties, il faut essayer d'en gagner une. Si on en gagne deux, on s'assure d'être des quarts de finale. Toi, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. OK. Toi, tu ressens-tu vraiment une pression supplémentaire le fait que c'est ici? Non, c'est au contraire, ça va être plaisant, tu sais. De jouer devant une foule, de jouer devant les gens qu'on connaît, d'être fier de représenter les couleurs de la région. Tu sais, c'est vraiment un événement qui arrive pas souvent. Puis en plus, qui arrive pas souvent dans la région. Tu fais partie, c'est une grande fierté. Les joueurs sont fébriles aussi d'y participer. Fait que c'est sûr qu'on nous, comme équipe, on se met une pression de performer, qu'on veut bien figurer. On n'a pas de pression qu'on va dire on est chez nous pour remporter. C'est plus qu'on s'en va là, on s'en va s'amuser. C'est dans cet esprit-là qu'on va aborder la compétition. OK. Quel joueur que les gens d'Alma devront surveiller? Est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui à tout le moins, qui devrait être avec les élites l'an prochain? Ben, je vous dirais qu'on n'a pas vraiment de joueur qu'on va dire on va se démarquer. On a vraiment une équipe qui est quand même bien balancée. Je te dirais, là, mettons, à l'avant, on a des joueurs comme Guillaume Dufour, on a des joueurs comme Zachary Deschamps. À la défense, on a des Félix Véro qui vient de. C'est notre seul joueur qui vient du Lac-Saint-Jean, du Haut-du-Lac. Okay. On a Marc-Antoine Mercier, ça, c'est un jeune homme qui vient de Forestville, là. C'est un gros défenseur de 6 pieds 2 qu'on espère, puis qui figure bien avec notre équipe, même au niveau provincial, qui a participé à des équipes du Québec, et ainsi de suite. Là. OK. Est-ce que. Donc, votre premier match, c'est quand? Il est au centre Mario Tremblay à Alma le mercredi à 4h. On affronte la délégation de Centre du Québec. Okay. Puis le lendemain, on va jouer à 10h contre Laval. OK. C'est quelle équipe qu'il faut surveiller? J'imagine que c'est les équipes de Montréal. C'est quoi la meilleure équipe là, qui va se présenter là-bas? Là? Je vous dirais qu'il y a une équipe qui est à surveiller, ça serait le Chaudière-Appalaches. OK. Chaudière-Appalaches, là, c'est un regroupement de Lévis et Beauce. Okay. Dans notre ligue, Bantam 3A, c'est deux équipes qui figurent en haut de classement. D'après moi, ils vont se rendre quand même assez loin. Sinon, il y a une équipe qui est très forte dans notre ligue, c'est le Triolet, l'Estrie. Ça pourrait être des équipes qui pourraient bien figurer au tournoi, mais comme je vous dis, c'est dur à dire. Mm-hmm. Nous, on aborde le tournoi, on espère bien figurer puis affronter des équipes de haut calibre pour pouvoir aussi en retirer du positif. Il s'agit qu'un gardien gosse à la tête puis que ça change complètement. Ça arrive aussi de ce côté-là. Là. Même des. C'est pas une série qu'on va dire 4 de 7. Non. Donc 4 contre une équipe ouais. qui est super dominante. C'est un match à la fois, c'est une période à la fois, c'est présence par présence. On va vendre comme ça nos joueurs. On est une équipe qui va travailler fort. C'est notre mentalité aussi de structure intégrée. Des équipes qui vont se dédier à la cause, qui vont se dédier pour l'équipe. Puis en plus, on va avoir l'engouement des spectateurs qui vont être avec nous, qui vont nous appuyer. Fait que ça, je pense que ça peut jouer un rôle dans nos performances. OK. Ben Marc-André, on va te souhaiter la meilleure des chances, puis on va se reparler un autre tantôt peut-être. Parfait, merci beaucoup. L'instructeur-chef de l'équipe du Québec, l'équipe de Saint-Jacques qui va participer aux Jeux du Québec, Marc-André Gagnon.